Toujours en Corée, la province du Hamgyong du Sud accorde de gros efforts à l'agriculture maritime. Rien que la coopérative maritime de Sinsang a élargi le terrain agricole d'une dizaine d'hectares, alors que la superficie de terrain d'algues s'est accrue sensiblement dans un cours de lait au niveau provincial. D'autres coopératives maritimes, dont l'entreprise de culture et halieutique de Simpo, ont adopté des méthodes de travail avancées conformes aux conditions climatiques, en effectuant de façon scientifique la culture d'algues, surtout le repiquage et l'éclaircissement, pour augmenter la production par rapport à l'année passée.